de questions. Il est censé avoir autant de réponses que de questions. Oh, il y a bien plus de réponses que de questions. Allez-y. Lors de la fin de semaine au camp Notre-Dame, j'ai réussi à baigner dans le concept et son énergie, mais depuis deux semaines, l'ego tête littéralement toute cette énergie acquise par le vomissement continuel mémoriel de cet événement vécu. Une partie de moi-même est consciente de ce phénomène, mais premièrement, un plaisir est rattaché à ce vomissement, et deuxièmement, c'est plus fort que moi, c'est toujours là. J'essaye d'être vivante dans mon quotidien, mais je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce ainsi et qu'est-ce que je peux faire? Parce que la personne, elle était dans un contexte qui lui a permis d'autoriser son ego à libérer des choses. Parce qu'elle a été dans un contexte, le contexte est important, elle était entourée d'individus qui favorisaient ce genre de choses. Et depuis qu'elle est revenue, eh bien, c'est une personne qui a donc un peu de médiocrisme au niveau de l'ego. C'est important, c'est pas nécessairement consciemment qu'on se sent médiocre, quoique ça peut l'être, mais l'ego est un imbécile. Et l'ego nostalgise donc sur la situation. Comme beaucoup d'individus, à un moment donné, qui ont touché de l'énergie, disent avoir touché Dieu. Et par la suite, tout le reste de leur vie, ils se rappellent juste de cet événement-là, puis ils trippent dessus. Donc, ils n'arrivent pas à recréer l'expérience dans la réalité. Les égos, ça sert à ça. Cet égo-là, il considère qu'il en a eu assez. C'est-à-dire qu'il en a pour longtemps à s'amuser. Il est heureux. Et étant heureux, ben, l'excédent d'énergie, évidemment, il s'en sert pour recréer cette mémoire, donc pour la transformer en émotion. Il nostalgise. Et c'est plus fort que la personne. Le mental ne contrôle pas encore. Le mental n'est pas encore le maître contrôleur chez l'individu en question. Donc l'ego a encore la capacité de vomir de la mémoire et s'amuser avec ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit attendre. Le temps laisse faire passer les choses. L'ego, évidemment, l'ego se plaît. C'est normal. Un ego, c'est un imbécile. Ça se nourrit de la situation, donc ça se plaît un peu du vomissement. Même s'il y a une partie du concept de l'ego qui est contre. Ce n'est pas grave. La personne est là. Elle doit simplement intelligencer les choses, constater ce qui lui arrive et faire ce qui est la clé même de l'évolution à travers le concept. C'est que l'individu doit parvenir à s'écœurer sans se déprimer. Daniel, se créer des concepts, n'y a-t-il pas de danger? Il y a des dangers, mais on ne peut faire autrement. De s'égoïser de nouveau. C'est évident qu'il y a des dangers. C'est comme celui qui ne crée pas de concepts. Il est totalement dans l'égoïsation. Je répète encore une fois. Quand on dit, je crée un concept, et il y a le danger que je m'égoïse, c'est quoi? Le danger que vous vous égoïsiez, c'est que vous décidiez, c'est que vous prétendiez que c'est vous qui avez créé le concept. Mais si dans votre concept, il y a d'inclus la négoïsation, si dans le concept, il y a d'inclus le fait que jamais vous allez vous prendre au sérieux, sinon, c'est à côté du concept. Il faudrait que tu sois mauditement niaiseux pour que ce soit dangereux. Parce qu'à l'instant où je commence à être fier de mon concept, je sais que je ne vis plus dans mon concept. Il n'y a pas de danger si le concept est bâti d'une façon convenable. Comme dans l'Antiquité, si on disait « Oui, mais si tout le monde adore les dieux, il y a un seul dieu. » C'est vrai, ça facilite les choses. Et puis après ça, on va se battre au nom du même dieu. On va vouloir aller dans le même ciel, parce que ça a facilité beaucoup de choses. Ça le fait en sorte que, parce qu'on était des bons chrétiens, même si ta famille, leur gueule ne revenait pas, j'arrêtais d'aller en tuer de temps en temps. Les chicanes familiales ont arrêté, etc. Ça l'a permis d'améliorer la situation humaine. Le concept n'est pas dangereux, si dans le concept, on inclut ce qui doit être inclus. Et je répète encore une chose, c'est que le concept, c'est la vision de l'astral, la vision égoïque, la vision psychologique, d'une chose qui n'a pas encore été vécue par la psychologie. Comme la psychologie de l'humain ne comprend et ne connaît bien que ce qu'elle a vécu, que ce qu'elle a expérimenté, si je vous dis « allez visiter Jakarta » et vous me dites « Jakarta, ça ressemble à quoi? » Jakarta, c'est une ville et puis il y a un paysage qui est extrêmement pittoresque. Les personnes, je vous décris Jakarta, je vous vends Jakarta. Mais c'est un concept. Ce n'est pas Jakarta. C'est un concept. Alors là, vous allez me dire, bon, ben, ça me tente pas. Y a-t-il un autre endroit où t'aimerais que, où tu me suggères d'aller? Alors, je vais vous dire, allez faire un tour à telle place. À Managua, bon, par exemple. Alors, je vous décris encore la ville, et c'est un concept. Et à un moment donné, ben, vous vous dites, tiens, d'accord, je vais, à travers ce que tu m'as défini là, je vais aller faire un tour à telle place. Rendu là, le concept tombe. En réalité, il sera remplacé par un concept plus proche de la réalité. Votre vision de la ville colorée par vos émotions. Donc, vous ne verrez pas la ville comme tous ceux qui vont être le voient la ville. Donc, 1000 visiteurs, 1000 concepts. Plus proche de la réalité. Les habitants, les concepts aussi proches que vous de la réalité. Toujours un peu faux. Mais si vous refusez totalement les concepts, c'est comme si vous vous dites, je veux aller faire un tour sur la planète, mais je refuse toute forme de publicité, je veux rien savoir. Alors, où je vais? Mais je n'ai même pas de nom de ville. Alors, je nomme une ville. Lima. Ah, ben Lima, c'est un nom qui me plaît. Concept, t'es fait à l'os. Tu es dans un contexte où tu ne fonctionnes qu'à partir d'un ego qui, lui, anime. On appelle ça anima âme, qui lui permet l'animation du corps physique pour permettre le déplacement créant l'expérience. Les concepts, est-ce qu'ils sont dangereux? Oui. Ça dépend de vous. Et on a besoin de concepts. Tant que c'est l'ego qui fonctionne. Quand vous aurez une raison intelligente et suffisamment de structure énergétique pour supporter la raison intelligente, vous n'aurez plus besoin de concepts. Tant que vous allez avoir de l'ego, vous aurez besoin de concepts. Tant que vous ne serez pas totalement anégoïque, une âme pure, vous aurez besoin de concepts. Il faut un concept pour qu'une personne négative finisse par cesser d'être négative. Ce concept s'appelle le positiviste, le projectionniste. Alors, il faut des concepts. Et ça fonctionne. On veut prendre des alcooliques et les désalcooliser. Il faudra leur donner des concepts. Les alcooliques anonymes fonctionnent avec la religion, mais c'est un concept qui est mauditement utile, qui est fonctionnel. À un moment donné, il ne vous aide plus. Le concept reste bon. Il n'est plus applicable à vous. Et vous changez de concept. On doit se créer des concepts. Quand je parle de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, quand je parle de ce que c'est que l'homme d'une façon, avec une vision plus cosmique, ben c'est comme si j'avais été à Lima. Alors, quand vous me demandez à quoi ça ressemble Lima, je vous donne ma vision de Lima. Je la fais juste, mais si je sais que toutes les villes que j'ai visitées, il y a la guerre, sauf Lima, je m'arrangerai pour la colorer un peu plus, Lima, de façon à ce que vous y alliez à Lima, pas à l'ailleurs, pas à Beyrouth. Mais quand vous allez arriver à Lima, vous allez dire, il me semblait qu'il y avait une grosse montagne. Mais je vous dis, ben oui, elle est là. C'est pas une grosse montagne, ça? Ouais, mais en tout cas, c'est une montagne qui est intéressante. Mais oui, mais c'est sûr, c'est des concepts. Quand vous allez arriver à la vision que j'ai des choses, vous ne verrez pas ce que je vois. Mais quand on va se parler, on va se parler de la même chose. Je vais vous dire, la montagne, ce n'est pas important qu'elle soit grosse ou petite. Et vous allez dire, c'est évident. Donc, la montagne restera la grandeur qu'on la verra, mais on ne s'astinera pas. Pourquoi? Parce qu'on sera rendu à un niveau de communication où ce genre de facétie ne nous appartient plus. Mais c'est le concept de cela qui va nous amener, qui va autoriser vos égos à vous libérer. Vous êtes prêts à le faire, c'est facile, c'est réglé. Oui, mais on ne l'a pas. Non, parce qu'on a des égos. Les égos, c'est des imbéciles, c'est des caves. Tant qu'on a une petite parcelle d'égo, on a un milliard de livres qui nous collent carrément à terre, dans l'évolution. Dans l'archétype. On doit arracher une peau, mais la peau, on ne veut pas l'arracher. Ceux qui arrachent leur peau d'évolution, ils gardent la peau au cas qu'il y aurait froid un jour. Elle ne pourra pas aller, elle ne fera plus. Ils l'ont à mettre. C'est niaiseux. Le concept, c'est l'IMA. C'est l'intelligence supramentale. C'est le double éthérique. Tout ça est vrai, tout ça est faux. L'IMA, ça existe. Je peux te parler de Ha-Ha, qui est une petite ville géniale, petit village. Et je peux te dire que tu peux prendre le soleil pendant qu'il neige dans les montagnes, l'autre bord de la lagune. Et je peux te dire qu'il y a des plantes, des oiseaux qui courent sur l'eau, puis ils freinent tellement mal qu'ils se rendent les uns les autres. C'est intéressant. Je peux vous dire que vous vous levez le matin, il y a des moutons, il y a des bœufs, et des enfants qui lavent les bœufs dans la lagune. Qu'il y a des... Bon, c'est intéressant. Mais quand vous allez arriver là, ben, il va y avoir la neige, il va y avoir tout ça. Mais l'émotion que vous aurez vécue lorsque j'aurai parlé de ha-ha, c'est pas ça que vous allez vivre quand vous allez être rendu là. Là, vous allez vivre l'ajustement à ce que vous êtes de ce que c'est. Tandis que présentement, vous ne pouvez faire autrement que de vivre l'ajustement de ce que je dis à ce que vous êtes. Et ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. Ça veut dire que ce que vous entendez est conceptuel. Et quand vous allez arriver là, bien, vous allez vous dire, « Ah oui, mais je pensais qu'il y en avait plein de moutons, il y en a juste quatre. » J'ai dit qu'il y avait des moutons. J'ai dit qu'il y avait des moutons. C'est des moutons. Tu as dit qu'il y avait des enfants qui lavaient les bœufs. Ben, il y en avait. Oui, mais j'en ai pas vu. Il n'y en a pas là, c'est tout. Il y en avait. Oui, mais tu as dit qu'il neigeait. Oui, quand il neigeait dans la montagne, il neigeait dans la montagne. C'est un fait. Moi, je suis venu en novembre, c'est là en janvier, mais c'est, tout est réel pareil. Sauf qu'à un moment donné, l'individu ne doit pas avoir peur du concept en ce sens qu'il va se dire, quand je vais y aller, quand il m'a dit qu'il neigeait, qu'il fallait qu'on se faisait dorer, ça m'a assez fait triper que c'est mieux d'être de même quand je vais y aller. C'est là que les concepts deviennent dangereux. C'est là que l'humain finit par se dire, je me suis fait fourrer, je me suis fait avoir. C'est un oasis de paix. Ça relaxe les individus. Il manque tellement d'oxygène que vous dormez 16 heures par jour. Fait que quand vous partez de là pour une semaine, vous êtes vraiment reposé. Oh, ben moi, ça m'est pas arrivé. T'as-tu dormi? Oh non, je voulais pas dormir, hein, je voulais pas manquer ça. Mon concept était vrai. Mais t'as bu du café, t'as bu du coke, tu voulais pas manquer ça, t'as pas dormi. Moi, j'ai dormi tout le temps, donc c'était relaxant. Ce que j'ai dit était vrai. Ce que vous en avez entendu était conceptuel. Quand vous allez découvrir les choses, quand vous allez avoir un contact avec l'ajusteur de pensée d'une façon totalement réelle, ben vous allez vous dire, oui, mais c'est pas tout à fait comme Daniel. Mais non, c'est évident. C'est pas tout à fait comme vous avez entendu ce que j'ai dit. Mais ça sera quand même quelque chose qui sera fonctionnel. Ça va être capable de se fusionner à vous. Vous allez devenir capable d'instruire vos égaux, votre seul maître. Oui, mais quand on est son seul maître, je pensais qu'on se sentait... Ça, c'était une vision de l'ego. C'est grâce à cette vision-là que vous avez accepté mon concept. Maintenant que vous y en êtes rendu, la vision, elle change. Le concept, il est inutile. Vous appliquez. Mais il ne faut pas être frustré avec l'ego en vous disant, je pensais que c'était bleu, mais finalement, c'est bleu marin. Ça dépend de vos yeux. Ça dépend de mes yeux. Ça dépend de vos oreilles. Ça dépend de ce que vous avez de ce qu'on entend par les mots. C'est pourquoi le concept n'est pas dangereux et pourquoi le concept, par contre, de l'ego, il est utile. Facilitez-vous donc la tâche. Qu'est-ce qui nuit l'ego? Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous êtes inhibé. À chaque fois, vous ne pouvez pas. Créez-vous donc, créez-lui un concept. Puis après, à un moment donné, il va l'accepter. Il y en a qui vont rentrer dans les témoins, chez les témoins de Jéhovah, pas dedans. Chez les témoins de Jéhovah, il y en a qui rentrent dedans, mais c'est là, ça peut paraître... L'accident, ça. Non, mais c'est parce qu'ils sont tannés. Il y en a qui rentrent chez les témoins de Jéhovah. Ils n'ont jamais été capables de dire à quelqu'un qu'ils les aimaient. Puis après trois mois de thérapie chez les témoins de Jéhovah, ils disent à tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas, qu'ils les aiment. Ils ont accepté un concept qui a démoli l'inhibition et qui maintenant autorise à. Alors on va dire, oui, mais c'est un concept qui... Ça dépend. Si l'objectif était de parvenir à dire « je t'aime », le concept était génial. Si l'objectif était de se libérer des concepts, ben, le concept est peut-être moins bon. Ça dépend. Les concepts, ce sont des choses, des contenants qui amènent de l'énergie. L'énergie, on doit s'en servir pour ça, on doit baigner dedans. Pour ça, on doit donc être dedans le concept. Les dangers, non. À un moment donné, quand vous allez atteindre ce que je dis, ce que d'autres ont dit, vous allez l'atteindre à votre façon. Mais c'est parce que vous avez... baigné dans une forme d'énergie que certains appellent de l'instruction, qui vous a permis de vous autoriser à aller chercher quelque chose. Mais la saveur de ce que vous allez connaître quand ça va être rendu là, ça va vous appartenir. L'humain ne devient pas son seul maître quand il est totalement dans l'énergie des nôtres. Tant que vous êtes dans mon énergie, nécessairement, vous pouvez devenir votre seul maître. Que la journée où vous allez éclore, bien, on va être capable de communiquer ensemble. Mais on peut parler de la même chose de façon différente. Vous ne serez plus dans mon énergie, vous allez s'entrer dans la vôtre. Et là, le MTS, le martyr de la transition supramentale, l'imbécile, va dire, « Ah, pourtant, tu m'avais dit que... c'est ce que tu as compris de ce que j'ai dit. » Et puis en plus, tu dis, tu feras la cassette, tu te regardes, tu as répondu à une question, c'est ça que tu as dit. Puis moi, je vais dire, « Oui, mais je ne te parle pas. » Bon, pour moi, c'est simple. Puis pour le cave, c'est compliqué. Alors que c'est très simple. Quand on vous décrit une ville, vous aimez ça, vous y allez, c'est pas pareil. C'est ça. On fallait qu'on vous la décrive, c'est un concept. Ça vous a donné le goût de voyager? Le regrettez-vous? Non. Êtes-vous déçu? Non. Est-ce que c'était pareil? Non. Ça te dérange-tu? Non. Voilà. Ça peut être mieux, ça peut être pire, ça peut être... C'est pas toi! Pas... Est-ce que dans l'évolution, il n'est pas normal d'arriver... À la sortie du concept. D'arriver à un point où, justement, tu ne fais plus d'attente. Tu ne crées pas d'attente. Quelqu'un va te raconter, dans l'exemple que tu donnes, il va te décrire un village, mais tu prends juste l'information sans émotion. Ça, c'est le concept. Tu y vas, puis tu n'attends à rien. Ça, c'est le concept. Si tu mets de l'émotion, c'est une croyance. Toi, tu m'expliques deux villes, je veux voyager. Je prends tes informations, puis tant qu'à avoir aucune information, t'en prends des siennes. S'ils sont fausses, ils sont aussi fausses que pas pantoute. Et je n'ai aucune attente parce que je n'ai pas mis de l'émotion dans ce que tu m'as expliqué. Quand j'arrive là-bas, ben, tout ce que j'avais besoin, moi, c'était un pile ou face, savoir où j'allais. Sa face m'a convaincu, j'y étais. Là, je pile sur ce que tu m'as dit, et puis je vois les choses de ma façon. C'est bien? Que veux-tu dire quand tu dis qu'il vaut mieux ne pas éclater seul? Ben, je veux dire qu'il est préférable d'éclater avec quelqu'un. Comment sait-on qu'il faut s'entourer? Qu'est-ce que c'est qu'éclater? Et qu'arrive-t-il si on est seul quand ça arrive? On est seul quand ça arrive. On ne sait même pas à peine d'en parler quand on est seul, quand ça arrive, parce que ça n'arrive jamais quand on est seul. J'expliquais à un moment donné que l'être humain doit se remplir d'énergie. C'est l'écœurement de l'écœurement. Il ne doit pas se déprimer parce qu'il s'écœure, il s'écœure, il est presque prêt d'éclore, puis là, il se déprime, puis là, il retarde. Après ça, il recommence à s'écœurer, puis il se déprime, puis il s'en va. Bon. Il y a une soupape de sécurité. On en a parlé aussi. Quand tu as suffisamment d'énergie, la soupape s'ouvre. Fait que là, tu te mets à pleurer, tu te mets à parler, tu te mets à manger, tu te mets à fumer. En tout cas, bref, tu te déprimes un peu. Tu décompresses. Et là, il faut 90 livres de pression pour vous éclatiez. À 75 livres, la soupape s'ouvre. Fait qu'elle s'ouvre à 75 livres, puis elle se ferme à 50 livres. Hein? Les soupapes, ça ne s'ouvre pas à 75, ça se met à 75. Tu es toujours en train de claquer. Alors, ça s'ouvre à 75, puis à 50 livres, ça se referme. Fait que là, vous êtes mieux. Mais ça n'a rien changé. Et là, vous recommencez, puis après quelques mois, après quelques années, on est encore écœuré. Puis là, on sent que... on descend encore. Il faut quelqu'un qui va mettre son doigt sur la soupape. C'est un confirmateur. Il met la soupape, le doigt sur la soupape, et là, vous allez devoir... là, vous allez être capable de monter à 90 livres de pression, qui va faire que la température interne de l'ego va être telle, la pression va engendrer une température qui va, à un moment donné, engendrer une espèce de rayonnement. Je fais des parallèles. Et là, subitement, ça va sortir par rayonnement. Vous êtes votre seul maître. Vous n'avez plus besoin de moi, ni d'archétype, ni d'instructeur, ni de quoi que ce soit. Mais les gens vont découvrir que vous avez changé. Les gens qui découvrent que vous avez changé font partie de vos confirmateurs. Vous n'aurez pas besoin de savoir que vous avez changé. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas savoir que vous avez changé. Et pour que les archétypes cessent de fonctionner pour vous pousser à changer, il faudra que moi, je te dise, tu es extraordinaire. Je ne peux plus rien dire. Alors, je confirme qu'il vient d'atteindre un état. Quand le Nazaréen s'est ramassé dans le bac d'eau qu'on appelle le Jourdain, et qui s'est ramassé devant le baptiste qui baptisait, c'est un confirmateur. Je sais qui je suis. Mais ce gars-là, c'est le plus puissant de ceux qui existent présentement. Si ce gars-là me reconnaît, si ce gars-là a le hockey quand il va me voir, si ce gars-là hésite, si ce gars-là a le port pour aller aux toilettes, si ce gars-là, il se passe quelque chose dans le gars quand il va me voir, c'est que je ne suis pas en train, égoïquement, de me jouer un jeu. Or, le Nazaréen s'en vient, il descend à travers la gang, personne ne le reconnaît, il se pointe devant le baptiste, quand le baptiste le voit, il vient pour le baptiser, puis là, il arrête. Déjà, ça, c'est suffisant. Je viens de planter l'autre. L'autre reconnaît. Le baptiste avait trop d'égo. Bon, ça s'est passé d'une façon pas tout à fait catholique. Mais c'est une confirmation. On appelle ça un baptême. Qu'est-ce qui s'est passé comment? C'est dans l'eau, hein? Beaucoup d'astral. Baptiste n'a jamais rien... Enfin, il n'a pas compris grand-chose. J'ai compris un peu maintenant, mais à l'époque, c'était pas génial. Pas ça. Confirmation, c'est ça. Quand je dis qu'on ne peut pas éclater seul, cela veut dire que l'individu qui éclate seul sera toujours en train de se morfondre, de se poser la question fatidique, est-ce que je me niaise? Est-ce que je me fais niaiser? Est-ce que c'est cela? quand ce sera cela, il restera suffisamment de structure extraordinairement intelligente qui est installée dans l'ego de l'humain, celle où l'humain ne se prend pas au sérieux. Alors, à un moment donné, moi, je peux me dire, je suis ceci. Et immédiatement, ça dit, oui, mais tu peux aussi te faire charrier. Et je suis d'accord, je dis, effectivement, donc, je ne suis pas cela. Ça ne m'empêchera pas d'agir comme si, mais jamais je ne me prendrai au sérieux. Mais la problématique, c'est que la journée où tu vas dire, peux-tu, viens, je suis sûr que tu peux guérir mon fils, il vient se frapper par un automobile. Et là, suis-je, ne suis-je pas? Ah, là, c'est le mot du problème. Là, l'inhibition qui fait que je ne peux pas me prendre au sérieux m'empêche totalement d'y aller. Si je rencontre à un moment donné une personne qui, prenons, on va prendre l'exemple, toi, ou n'importe qui ici, vous rencontrez, vous pensez être, vous êtes suffisamment égoïque pour ne pas risquer de vous faire charrier. Alors, si je dis, toi, tu es la réincarnation de l'apôtre Paul, tu peux dire, oui, ça fait longtemps que je pense que c'est ça. Puis qu'est-ce que ça te fait? Rien, je m'en fous. C'est parfait. Mais ce n'est pas encore utile qu'il soit la réincarnation de Paul, parce que ça ne lui sert à rien. Mais en même temps, c'est bien qu'il s'en foute, parce que s'il s'y croirait, puis que ce serait une farce de l'église de l'astral, eh bien, il serait récupéré totalement dans une mission. Mais à un moment donné, il rencontre Jean-Paul II. Puis Jean-Paul II, en le voyant, s'arrête, le regarde, transpire, ne dit plus un mot, puis lui se rend compte que quand Jean-Paul II s'éloigne, Jean-Paul II n'est pas le même. Donc Jean-Paul II a reconnu quelque chose. S'il a les mêmes protections que j'ai, il va dire, c'est évident que je suis quelque chose. Peut-être pas Paul. Mais là, si Jean-Paul II repasse, puis qu'il lui dit, es-tu Paul? Ce bonhomme-là, avec l'énergie, je ne parle pas du bonhomme, avant qu'il soit pape, il ne valait pas grand-chose. Maintenant qu'il est pape, il a l'énergie des égrégores de la papauté. On ne peut pas le manipuler comme on manipule un humain. Si lui me reconnaît, il me confirme. Alors, je suis. Je sais. C'est tout réglé. Et instantanément, les mutations qui tardent à s'opérer s'opèrent immédiatement. Alors, à un moment donné, une personne va pas... Ça peut être Mère Teresa, ça peut être n'importe quelle personne qui a tellement rencontré d'individus qui, elle, maintenant, impose aux individus. Celui qui impose aux individus, lorsqu'il s'en fait imposer par ta présence, devient ton confirmateur. Alors, à un moment donné, vous avez toujours été impressionné par vos parents, jusqu'au jour où vos parents sont impressionnés par votre présence. Et ils confirment que vous êtes maintenant quelque chose d'autre, que vous êtes libre. Et d'étape en étape. Mais dans l'évolution, le confirmateur doit avoir une prestance différente. L'individu va s'en sortir, il va éclater lorsqu'il y aura près, proche de lui. Personne ne s'est baptisé par lui-même, je l'ai déjà dit. La confirmation, c'est le baptême. Personne ne peut se confirmer lui-même, pas dans le contexte planétaire, parce qu'il y a trop de danger de se faire récupérer. De ce fait, lorsque l'individu va éclater, c'est lorsque quelqu'un d'autre va être à côté. Mais ce n'est pas on se réunit tous les deux, là, puis dis-moi dans 5 minutes, là, si j'ai bien changé. Là, on parle d'un jeu, là. Son ego, je vais le récupérer. Après ça, il va te dire si t'as bien changé, tu sais. Fait que là, c'est évident qu'on va bien changer. On va se payer 50$ chaque, on va changer beaucoup. L'individu ne doit pas éclater lorsqu'il est seul, c'est-à-dire qu'un ego, un mental, ne doit jamais s'autoriser à se dire, à se prétendre, à être parvenu et avoir atteint. Si vous avez atteint, ça ne dérange pas que vous ne le sachiez pas immédiatement, mais si vous vous illusionnez de l'avoir fait, vous aurez de maudits problèmes si ce n'était pas le cas. Parce que vous allez devenir des maîtres du monde. Des individus qui ont presque atteint la clé et qui, à un moment donné, ben, à cause de leur ego, se sont ramassés totalement confinés à attendre que le reste de l'humanité s'en soit sorti. C'est pourquoi ils vont passer le reste de leur existence planétaire à tout faire pour aider les individus à grimper. Mais ils sont faits à l'os, même à la moelle, même à la tombe. Donc, on ne doit pas éclater seul. Sans savoir de la réincarnation de qui, est-ce que seulement le charisme peut faire en sorte que On peut mesurer le degré d'évolution. Je vous donne l'exemple de la réincarnation de Paul, mais l'important, simplement, c'est que... Non, mais sans connaître l'identité. Là, je donne un exemple. Moi, je rentre dans une salle de conférence, et en rentrant dans la salle, je repère un individu, et cet individu-là, il me fait vivre des choses que je sais, que je connais ou que je ne connais pas. Nécessairement, je vais aller vérifier, je peux avoir l'information que j'ai besoin, et je saurai automatiquement ce que c'est, qui il est. De ce fait, si en même temps sa présence m'oblige à venir lui toucher, on ne s'est jamais vu, je le regarde, et télépathiquement, il y aura un paquet d'échanges, et je m'en vais. Lui saura tout ce qu'il a besoin de savoir dans son éclatement. Je l'aurai confirmé. Est-ce que ça veut dire que je suis supérieur à lui? Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire que pour m'ébranler moi, il fallait quelque chose. C'est rien que ça que ça veut dire. Il peut être supérieur à moi et il avait besoin de ma présence pour se confirmer. Je peux être supérieur, je peux être égal. Fais attention, donc ça n'a rien à voir. Je peux me faire confirmer, moi, par n'importe qui de la salle. Sauf que pour accepter sa confirmation, je ne prendrai pas n'importe qui de la salle. Parce que je connais tellement la mécanique astrale, tellement le charriage astral, bien plus que l'humain, la majorité des humains vont le connaître, que je vais obliger que le confirmateur soit quelqu'un que je ne peux pas manipuler. Si on prend des individus comme Pierre-Éliott Trudeau, le Dalai Lama ou Jean-Paul II... Bon, le Dalai Lama ne peut pas me confirmer, Pierre-Éliott Trudeau non plus. Non, c'est pas ça que je veux dire. S'il rentre dans la salle ici, Pierre-Éliott Trudeau, sans qu'il arrive avec tambour et trompette, il y a des fortes chances que tout le monde survive, qu'on sente sa présence. Ça dépend. Si Pierre-Éliott Trudeau rentre alors qu'il n'a jamais été premier ministre du Canada, il y a fortes possibilités que tu, que je et que quelques-uns le repèrent. Pas l'ensemble des gens. Bon. Jean-Paul II, avant qu'il devienne pape, il rentre ici habillé en civil, quelques personnes vont repérer. Pas la majorité des gens. Maintenant qu'il pénétrerait ici, tout le monde le repérerait. Pourquoi? Parce que c'est le Canada qui rentre. Ou encore, c'est la chrétienté qui rentre. Un individu qui éclate est identique. Un individu qui a éclaté, il pénètre dans une pièce, tout le monde le regarde. On le regarde juste comme ça, puis on continue à faire ce qu'on a à faire. 2 ans après, tu le revois, tu le reconnais. C'est pas où, c'est pas où tu le reconnais. Lui, c'est un être humain qui a éclaté. Il a donc un rayonnement. On appelle aussi un charisme. Mais ce rayonnement est un rayonnement interne, c'est pas un rayonnement d'égrégore. Jean-Paul II a un rayonnement d'égrégore. Mulroney a un rayonnement d'égrégore. Les personnages publics qui vont chercher un poste égrégorien déjà constitué ont l'égrégore, un charisme égrégorien. Eux, c'est qu'ils se ramassent l'énergie de cet égrégore-là, puis ils le conservent quand ils quittent le poste ou l'emploi ou qu'ils s'habillent autrement. Oui, ils en perdent un peu, mais ils le conservent un peu. Plus celui qui le remplace est puissant de sa propre nature, plus il le récupère de sous le dos des autres. Plus il est faible, plus les autres le conservent. Prends le premier ministre du Canada actuel, puis mets l'ex-premier ministre du Canada à côté, puis il y a des chances que l'ex-premier ministre plante plus les gens, pointe plus que le ministre actuel, que le premier ministre actuel. Pourquoi? Parce qu'il est plus faible que l'ancien, donc l'ancien conserve énormément d'énergie. Mais est-ce que ces individus-là, en tout cas c'est un exemple que je donne, mais est-ce que Pierre-Éliott Trudeau aurait pu arriver à un développement personnel, arriver à un niveau de conscience ou un niveau vibratoire assez élevé pour que ça donne la même impression, sans qu'il s'abreuve de l'égrégore canadien? Absolument. Est-ce que c'est ça que ça donne quand on éclate? Celui qui éclate, c'est ce qui arrive, c'est premièrement l'entourage va confirmer, puis c'est pas dans le genre... C'est des choses qui sont subtiles, mais c'est que l'être humain, présentement, a un courbe suffisamment l'espace-temps des psychologies des autres que lorsqu'il pénètre dans une région, dans un endroit, lorsqu'il va quelque part, il influence, il dérange, bénéfiquement, normalement, ou neutrement, sauf que les individus, n'empêchent, sont obligés d'arrêter d'écrire pour regarder l'autre passer, puis vont continuer après, mais là, on voit que l'individu a un rayonnement, donc il a éclaté. Mais quand je parle d'un individu seul, qui est centré dans son intelligence, qui a éclaté, il n'a pas un charisme égrégorien, ce n'est pas un charisme attribué par le fait qu'il est relié à un égrégore de groupe, cet individu est nécessairement très anégoïque, sinon totalement anégoïque, il est en fusion avec son double éthérique, il est immortel dans sa conscience, Bien, c'est simple. Et beaucoup d'individus peuvent le faire. Ce sont des baromètres. L'extérieur est un baromètre. Là, on parle d'un baromètre de masse. Par exemple, vous êtes chez vous, puis vous commencez à éclater, puis vous vous dites, « Ouais, mais je connais personne. » Fiez-vous à la population. Allez pas demander au Krishna, puis, je vais aller faire un jeu chez Krishna, voir si vous me regardez. Vous avez de l'ego, ils vont vous regarder, mais pour votre ego. Pas parce que vous avez éclaté. L'humain peut penser que ce sera un individu. Une personne peut me téléphoner et me dire, « Hey, j'aimerais ça éclater, peux-tu venir? » Ça va coûter cher en maudit. Des personnes pour rien, vous faites ce genre de niaiserie-là. Non, c'est que ça vient comme ça vient. Et ça peut être le public, ça peut être tellement de choses. Votre chat peut vous confirmer. Vous vous promenez quelque part, et puis il y a un cavalier qui s'en va avec son cheval, le cheval arrête net, le cheval vous regarde, le cheval vient vous voir, puis le cheval commence à vous sentir, le cheval commence à sauter de joie, le cavalier n'arrive à rien faire avec, le cheval vous confirme. Sauf que, deux jours après, ça ne fonctionne plus. Eh bien, vous avez failli. Il y a eu un petit peu de rayonnement, la soupape était mal fermée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une petite fissure où ça l'a rayonné. Ça peut rayonner pendant 2 ans, 3 ans, très peu. On se rend compte que... Mais on n'est pas satisfait. Bon, il manque quelque chose, et puis à un moment donné, ça va se suturer. Mais si l'ego... Mais quand on parle d'un éclatement réel, le cheval et le cavalier vont venir te lucher. Les deux. Explique-moi comment il se fait qu'il y a des entités moins évoluées que l'être humain. N'avons-nous pas tous été créés en même temps? Bon, les entités moins évoluées que l'être humain. Au début, tout ce qui a été créé en même temps. Mais ça se crée régulièrement. Dans l'univers qui est en expansion, il y a continuellement de l'effusion. Et nous sommes 4,5 milliards d'années, on aurait dit, on n'est pas à 1 milliard d'années près, 4,5 milliards d'années de notre évolution, de l'effusion majeure. Tout ce qui s'effuse dans la création après nous est en retard sur nous. Tout ce qui s'effuse présentement est beaucoup plus évolué que nous. Nous sommes effusés, nous sommes dans quelques millions, milliards d'années, ou à peine quelques millions d'années de remontée. Donc, tout ce qui est effusé, tout ce qui est effusé, disons 500 millions d'années après nous, est plus évolué que nous. Mais c'est en phase d'involution, c'est-à-dire que cosmiquement, créationnellement, c'est plus évolué. Mais dans l'apparence actuelle, c'est plus évolué. Je donne souvent l'exemple de la personne qui va à Québec, qui part de Montréal. Si le but ultime, c'est le retour aux sources, celui qui de Québec revient vers Montréal est plus loin de Montréal que celui qui part de Montréal. Donc, celui qui est en retour de Québec va dire celui-là est plus évolué. Mais, sauf que le trajet est important à considérer. Lui, ici, ça va vers l'involution, alors que l'autre, ça va vers Montréal. Pas parce que Québec, c'est l'involution, quand même. C'est un exemple. Il faudrait pas que tu fasses des conférences à Québec. Oui, c'est ça. Ça tu changes l'exemple. Ouais, bon, voilà. Alors, donc, l'être humain va rencontrer des phénomènes plus involués, simplement que ces phénomènes-là arrivent maintenant en arrière. Alors, je m'en retourne vers Montréal, les automobilistes qui me suivent, ben, ils sont plus involués. Attends. Alors, c'est pourquoi il y a des entités qui sont plus involuées. Autre chose, il y a des entités qui ne sont pas plus involuées, mais il y a des entités qui ne sont pas évolutives. Est-ce que le verre d'eau est plus involué que l'homme? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est évolutif? Non. À un moment donné, tout le phénomène au complet va se ramasser dans la finalité et ça finira là. Donc, il y a énormément d'entités qui ne sont pas évolutives, qui sont là pour servir l'humain. C'est tout. Les plantes, ça n'évolue pas. La théorie est intéressante qui fait que tu n'es plante, que tu n'es minéral, tu te réincarnes dans une plante. Quand tu as planté suffisamment, tu te réincarnes dans un herbivore. Quand tu as herbivorisé suffisamment, tu te réincarnes dans un carnivore. Et finalement, dans un animal proche de l'homme. Et finalement, dans un chat, dans un chien. Et finalement, dans un homme ou dans une femme. Et puis, peut-être, si tu es trop con, tu retournes dans l'animal. après ça, de l'homme s'incarne dans l'ange, de l'ange dans l'archange, donc c'est un concept qui fut intéressant, mais qui peut être démantelé maintenant de tous les côtés. Depuis que j'ai été manipulé à mettre le doigt sur la soupape, je reçois du monde de la mort de l'information puissante qui fait réagir mon ego afin que j'ôte mon doigt. Mais je reste mon doigt sur la soupape. Quels en sont les dangers? Est-ce dangereux que le doigt brûle? Bon. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de ne pas se prendre au sérieux dans la mécanique. Est-ce que votre doigt est sur la soupape ou sur une fissure? Là, c'est facile de se plaire. Et l'information du monde de la mort est une information puissante, mais comme je le dis, que ça vienne de moi, que ça vienne de l'intelligence, que ça vienne du près, du fin fond de vous-même, que ça provienne du monde de la mort, de l'imagination, de l'intuition, on ne fait jamais confiance à quoi que ce soit, on ne fait confiance à rien. Si on reste totalement neutre de ce contact, les dangers n'ont pas beaucoup. Que le doigt brûle, faites-vous-en pas. Placez votre main sur un rond de poêle qui est éteint, puis allumez le rond de poêle. Est-ce qu'il y a des dangers que votre doigt brûle? Non. Essayez-le, il n'y en a pas. Je te fais pas tellement confiance. Mais tu essaieras. Non. Eh oui, tu pourras pas laisser ton doigt. Il va être un peu endolori, mais est-ce qu'il va être totalement carbonisé, brûlé? Non, jamais. Pas de drogue en maudit pour ça. Mais si la personne ne se drogue pas avec son ego, ça se prend pas au sérieux dans ce qu'elle fait. À un moment donné, le doigt va sauter, il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas laisser ton doigt sur un rond de poêle que tu allumes jusqu'à temps qu'il brûle, tu ne pourras pas. Tu peux essayer, tu ne seras pas capable. Ouais, de cette façon-là, je le sais. C'est quoi, c'était la même façon? Oui, mais c'est dans ma perception de la façon. C'est parce que l'humain reste souvent avec un ego comme quoi il peut tout faire alors qu'il est manipulé. Ah, ben, on va le laisser là, puis il va brûler au complet. C'est normal, c'est pas capable. La mécanique est bâtie que ton doigt va s'en aller. Dernièrement, je conduisais mon véhicule et pendant près d'un demi-kilomètre, j'étais dans l'astral qui conduisait mon véhicule pendant ce temps-là. Les mémoires d'intervention. L'individu, une partie de l'ego. Si c'est des mémoires d'intervention, pourront-ils s'occuper du corps si je décide de quitter pour un ou deux jours? Non, parce que ces mémoires d'intervention ne sont pas suffisamment entraînées. Si l'individu s'entraîne au jeûne, si l'individu s'entraîne à la marche en sommeil, j'ai fait ça quand j'étais jeune et d'ailleurs j'ai failli perdre un emploi à cause de ça. J'ai dormi, j'ai quitté un camp de vacances, je dormais, j'ai fait du pouce, je me suis allé à Montréal, puis à Montréal, je me suis réveillé. Mais quand je leur ai expliqué pourquoi j'étais parti, ils n'ont pas voulu me croire. L'individu doit donc travailler des mémoires d'intervention qui vont être suffisamment efficaces pour pouvoir conserver son corps pendant 2 jours. Mais si les mémoires d'intervention ne sont pas totalement faites, comme l'individu va se dire, bon, je pars de mon travail, puis j'arrive chez nous, puis je ne me rappelle pas ce que j'ai fait, je n'ai pas conduit, je n'étais pas là. Les mémoires d'intervention. S'il arrive un danger majeur, l'individu va revenir. Mais sinon, l'individu s'en va, il marche, traverse les rues, etc., il n'y a pas de problème. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Il n'est pas là, il est en voyage astral, donc il est dans la Lune, mais il n'est pas dans la Lune. L'astral ne se rend pas jusque-là. Mais il est dans l'astral, et les mémoires d'intervention travaillent avec le corps physique et l'amènent. Sauf que l'individu qui veut faire quelque chose de plus intéressant ou de plus différent, il doit avoir des mémoires d'intervention qui vont être en affinité avec ça. Qu'est-ce que sa femme, ses enfants, son mari, est-ce que les voisinages, est-ce que, bon, il faut aussi qu'il s'organise, c'est fort, il faut qu'il trouve un petit ashram personnel. Et si les mémoires d'intervention sont convenables, il n'y a aucun problème. Sauf que 2 jours de voyage astral, 2 nuits de voyage astral, ça peut se faire. C'est risqué. Ça peut se faire. C'est risqué. Qu'est-ce qui est risqué? Que le corps, que les mémoires d'intervention ne fonctionnent pas, puis que c'est un accident, par exemple? Non, si on conserve... Pourquoi l'esprit ne reviendrait pas dans le corps? Voilà, c'est ça qui est risqué. Pas l'esprit, ouais. C'est que l'âme ne revienne pas dans le corps. L'âme. Voilà. Ça dépend simplement dans à quelle densité, avec quelle impression elle va faire son voyage astral, et ça dépend dans quel monde elle va aller fouiller. L'astral, c'est un édifice à 10 étages. Chaque étage est un palier de l'astral, alors il y a l'enfer, il y a différents paliers jusqu'aux hautes sphères de la spiritualité. Sur chaque étage, il y a différents corridors. Il y a un corridor d'événements particuliers, l'Égypte, l'Afrique, etc. Dans chaque corridor, il y a des pièces. Chaque pièce, c'est un événement particulier d'histoire. et une coloration particulière de l'histoire. Dépendant où l'individu va aller jouer, va aller fouiller, l'individu peut faire quelque chose qui peut ressembler à ce que Lazare a fait, mais s'il n'y a pas un Lazarien pour le ramener, le corps va mourir. Parlez-nous d'envoûtement. Doit-on avoir recours à un spécialiste pour désenvoûter? Alors, l'envoûtement, il faut aller voir... Ça dépend. Il y a une façon, c'est de prendre un billet d'avion, d'aller faire un tour sur l'île de Pâques. Alors, l'envoûtement, fini. On peut aussi aller au Potala, à Lhasa. L'envoûtement, fini. Bon. Mais est-ce que quand tu reviens, l'envoûtement recommence? Ah non. L'île de Pâques est faite pour absorber les envoûtements et tous les sorts qui sont jetés qui n'atteignent pas leur objectif, pour préserver l'antipode de l'île de Pâques, qui est la seule capitale du Tibet. Et le Potala, c'est l'endroit où vivait le Dalai Lama. L'envoûtement, qu'est-ce que c'est? L'envoûtement, c'est la capacité qu'a un âme, un individu, de faire affaire avec les bas-fonds du monde de la mort, donc avec ce qu'on appelle les mécaniques sataniques. On parle aussi de sorcellerie qui est de la magie noire, alors qu'un mage fait de la magie blanche, comme les prêtres sont des mages. Lorsque l'individu fait un contrat avec une chose plus proche de la matière, donc des forces astrales denses noires, le résultat est plus rapide, plus proche de la matière, il va travailler avec l'essence même du canal réincarnationnel, c'est-à-dire que dans le monde de la mort, il va retrouver le canal réincarnationnel d'un individu, et il va être capable de soudoyer l'être contrôle, c'est-à-dire qu'il va être capable de jouer avec des mécaniques astrales qui, normalement, préservent ce qui rentre en réincarnation et permet des choses. Vu que ça se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de la vie d'un individu, il y a donc beaucoup de façons de, par l'envoûtement, d'aller chercher, d'aller soudoyer l'être contrôle et de faire descendre dans l'âme de l'individu des mécaniques qui vont totalement fausser la perception psychologique de l'individu, ce qui peut s'exprimer par des malaises biologiques, des malaises physiques. Par hypnose, on peut faire des cloques de brûler, on peut accélérer le cœur, on peut même tuer quelqu'un. Alors, si l'individu est extrêmement faible et si l'hypnose est extrêmement fort, l'envoûtement, c'est quelque chose du genre. On peut se servir. Normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des mécaniques biologiques, les ongles, on va prendre de la peau, on peut prendre des cheveux, on peut prendre des cils, on va prendre quelque chose qui a été imbibé de l'énergie vitale, donc le périsprit de l'âme d'un individu, et par la suite, on va jouer avec ça. On peut aussi se servir de mécaniques extrêmement puissantes dans les archétypes, des symboles, qui vont attaquer directement une âme, et là, ça va créer une perturbation à l'intérieur de l'âme, une expérience intra-âmique extrêmement émotive, qui va, encore une fois, déphaser l'âme de sa propre réalité, qui reste une illusion, mais quand même, avec celle de l'envoûteur. Le vaudou, c'est une des grandes techniques pour envoûter, parce que dans le vaudou, on est même capable de prendre un individu, de prendre son ego, toute la structure réincarnationnelle, ainsi que les mémoires expérientielles, et de tout retourner ça dans le monde de la mort. Le vaudou a la capacité de tuer un être humain en conservant le corps vital, le corps physique vivant. C'est un zombie. Il y a le vaudou. Il y a des mécaniques Inca, il y a des mécaniques... la race noire, c'est la plus spécialisée dans le système d'envoûtement. Et on a la race européenne aussi, la race blanche européenne, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Devons-nous avoir affaire à un spécialiste, donc un exorciste, un désenvoûteur, c'est la même chose, on prend les mots qu'on veut, les mots qui nous plaisent. Habituellement, ça l'aide. Par contre, l'individu qui est envoûté peut aussi travailler sur son envoûtement, mais c'est compliqué. J'ai connu un personnage, moi, extrêmement puissant, qui, à un moment donné, s'est fait envoûter. Et à 4 heures de l'après-midi, chaque jour, il avait des crampes stomacales du tonnerre, ça durait une demi-heure, pile, ça l'arrêtait à 4h30. Et il a vu des médecins, etc., puis à part des maladies psychosomatiques, on n'a rien compris, jusqu'à un moment donné où il a été convaincu qu'un personnage, qui était un Haïtien, qui lui avait dit qu'il haïssait pour des raisons que je n'expliquerai pas. Pour ça qu'il fait quelque chose. Fait, oui, c'est ça, c'est haïssable. Et il était convaincu que c'était lui. Alors maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rencontré un autre Haïtien qu'il connaissait, qui faisait partie de la franc-maçonnerie. Ils en ont parlé, ils ont travaillé ensemble, et l'autre Haïtien a appliqué des choses qui devaient normalement purifier l'entourage de notre personnage. Et ça a fonctionné. On peut faire mieux. Est-ce que tu peux juste dire à un être humain qui est plus envoûté, mais il faut mettre de l'énergie il faut parler directement à quelque chose. Mais ça, c'est une mécanique qui va prochainement être applicable par certains individus. En attendant, bien, effectivement, c'est préférable de consulter un spécialiste, parce que l'envoûtement, pour bien des individus, c'est une farce psychosomatique. C'est vrai pour tous ceux qui n'ont jamais été envoûtés. Quand tu doutes, quand tu crois qu'il y a des possibilités que quelqu'un t'ait lancé un mauvais sort ou un envoûtement, est-ce que tu peux le contrer, le bloquer, le retourner contre lui? Oui. La meilleure façon de le retourner contre lui, c'est d'être mort. Le sort qu'il a lancé, n'atteignant jamais sa cible, revient normalement contre celui qui l'a lancé. Et si le lanceur meurt, le sort se promène et normalement attaque tout ce qui est très évolutif au niveau humain. Et c'est pourquoi on a inventé des paratonnerres planétaires qui vont maintenant récupérer tout ce qui a été lancé, la haine humaine qui n'atteint pas sa cible, etc. Mais il y a une autre façon que de mourir. Il y a, dans la majorité des sorts qui vont être lancés, et c'est de la magie blanche, mais quand même, bon, puis c'est une chose qui ne m'intéresse pas du tout, c'est une question plate qu'on me pose. L'individu qui, par exemple, prend une craie blanche, quelque chose dans le genre, et qui dessine des étoiles à cinq branches sur chacune des orifices de sa maison, empêche totalement n'importe quel sort à caractère judéo-chrétien de pénétrer sa maison. Bon, c'est une façon. Le sort ne pouvant pénétrer, l'individu qui sort, s'il a le même symbole sur lui, il le refuse aussi. Et on aura, évidemment, il y a plusieurs personnages qui ont ce symbole sur eux autres pour se préserver de certaines choses. Je ne parle pas, l'étoile à six branches va donner la même chose, différemment. Alors, ces symboles-là peuvent servir, c'est de la magie blanche. Et il y a un paquet de recettes de sorcellerie, je pourrais t'en compter plein, j'en ai connu des sorciers, des sorcières. Je n'en fus pas, mais j'en ai connu. Et ça fonctionne. J'ai même déjà, quand j'avais 9 ans, envoûté mon oncle. Parce que c'était Noël, et puis il buvait comme un buveur. Et puis je dormais dans mon lit, puis à 4 heures du matin, il est rentré en disant « Ah ouais, c'était mon tour, puis il s'est couché dans mon lit. » Alors je me lève, hein. J'étais dans le garage, j'ai appliqué une technique intéressante qui a fait que son ego, à un moment donné, s'est réveillé. Puis s'est senti mal dans la chambre. Mal, mais une angoisse profonde. Et ça, qu'ils sont quand même là tout de suite. Et puis j'étais mort couché. Mais c'est karmiquement, c'est pas tout à fait ce que l'humain doit faire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que quand vous êtes couché dans votre lit et que votre oncle rentre, que votre charisme fasse, quand il rentre, il referme la porte doucement sans vous réveiller, puis on va se coucher avec votre frère, votre soeur. Comment tu fais pour développer le charisme? Ça, c'est de l'évolution. Alors, plus besoin de magie, plus besoin de sorcellerie, plus besoin de rien. C'est de l'évolution. Mais comment tu fais pour évoluer assez pour développer le charisme? C'est l'égoïsme. Tu cesses de te prendre au sérieux, puis tu commences à vivre sérieusement. Tu cesses d'être un animal, tu cesses d'être un imbécile, tu cesses d'être tout ce que l'humain vénère. Tu cesses d'être un être humain. Simple. Que l'humain doit faire. L'humain qui aime, puis qui en souffre, puis qui manipule, puis je l'ai tellement compté, assez qu'à un moment donné, j'ai même plus de mots. J'étais tellement repoussé loin ces mots-là. Tu cesses d'être un être humain. Tu cesses de désirer, de vouloir, d'avoir peur, de craindre la mort. Tu cesses d'être un être humain. Tu deviens quelque chose d'autre. Tu deviens le concept. Pas un extraterrestre. Les extraterrestres, c'est des caves. Tu deviens un terrestre extra. Tu deviens un surhomme, une surfemme. Tu deviens quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est capable d'allier tout ce que l'humain est avec ce que l'humain n'est pas. Quelque chose qui est capable d'allier de l'intelligence qui a du cœur, de l'amour intelligent, c'est la même chose, du neuf avec toutes les fibres qui permettent à l'humain d'exprimer le vieux. Tu es un homme ou une femme d'affaires. On va dire homme, c'est plus simple pour l'instant, c'est la globalité, femelle et mâle. Tu es un homme adulte, enfant. En affaires souriant, capable d'agir en pleine action, mais très relax. Qui dort quand il veut, il se réveille. À l'heure qu'il a besoin, il ne dort pas s'il n'a pas besoin. Il mange, il digère ce qu'il y a à manger, donc il ne se fait pas de philosophie d'alimentation. Mais il mange des choses qui sont convenables. Et quand il n'y en a pas, ce qu'il y a est nécessairement convenable. C'est un être qui est capable d'être extrêmement violent, sans jamais haïr. Qui est capable d'être extrêmement violent en étant extrêmement doux. Je ne parle pas d'une main d'acier dans un gant de velours. Je parle d'une main d'acier velours. Différent. L'être humain doit parvenir à quelque chose comme ça. Il va dire, oui, mais c'est pas humain. Pourquoi? Parce que je lui ai donné une claque en plein visage, puis c'est pas mis en colère. C'est pas un humain. Non. c'est un dieu. C'est les deux. Je l'ai volé, ça l'a pas, il m'a pas détesté. Il n'a plus jamais fait affaire avec moi. Mais j'ai jamais perçu qu'il m'haïssait. C'est pas un humain. J'ai violé sa fille, puis il m'en veut même pas. Les humains vont dire 5 heures. C'est pas un humain. Puis quand je me rapproche de sa fille, il me saute dessus à bras raccourcis, puis il m'envoie à l'hôpital. Mais il sourit quand il me bat. Et pas d'un sourire de contentement. Il a l'air d'être neutre. Comme si il m'empêchait matériellement de recommencer. Pas comme s'il m'haïssait, puis comme s'il se vengeait. C'est l'humain additionné de tout ce que l'humain a voulu chercher, mais ce que l'humain a voulu chercher, c'est des concepts tellement colorés, tellement égratignés, que c'est bien mieux que ça. Évoluer, c'est cela. Évoluer, ça veut dire que tu es dans ton lit, justement, bonhomme, il rentre, il te voit, pas automatiquement, il peut pas. T'as rien fait, t'as rien à faire, il peut pas. Alors, il ferme la porte lentement, puis il est fait par ta présence, il s'en va ailleurs, mais il peut pas. C'est bien simple, il peut pas. Là, tu es évolué. Est-ce que c'est humain? C'est pas humain. Tu n'es pas capable de détester, tu n'es pas capable d'haïr, on ne peut pas te tuer, on ne peut pas te mettre en colère, on ne contrôle jamais ton état psychologique, tu as un savoir instantané, tu n'as pas de crainte comme l'humain en a, tu as réponse à tout ce que tu as besoin, tu ne poses pas les questions inutiles. Mais tu dis que tu n'es pas capable d'aimer ou d'haïr, c'est donc que tu ne choisis pas non plus. Effectivement. Est-ce que je choisis que mon oncle rentre pas dans ma chambre? Non, moi je dors. J'ai jamais su qu'il est venu me voir. C'est pas plus facile. Mais là, tu n'es pas un être humain. Tu es un être. Tu es au-delà. C'est ça l'évolution. Mais tu ne veux pas évoluer volontairement, donc? Non, je ne décide pas d'être télépathe. Lorsque c'est nécessaire que je sache ce qu'une personne pense, je le sais. Mais j'ai pas besoin d'avoir un ego qui va dire, bon, mais qu'est-ce qu'il peut penser? Pour me stresser. Voyons donc. Je suis pas un fou. Tout ce que les humains pensent, que j'ai pas besoin de savoir, pourquoi il faudrait que je le sache? S'il faut que je commence à avoir le libre-arbitre pour décider qui je vais vouloir téléphatiser, hein, écouter dans sa tête sans qu'il le sache, c'est pas de la télépathie, c'est de la téléphatie. Mais m'as-tu travaillé pour savoir? Non, c'est pas lui. Non, ah, c'est quelqu'un. Voyons donc. Moi, j'aime autant d'être une écoute totalement sélective où j'ai pas rien contrôlé. Je m'en vais sur la rue. Si quelqu'un arrive en arrière de moi pour m'attaquer, eh bien, mon coup de part, je l'accroche, je tombe à terre, puis je continue, c'est fini. C'est tellement plus simple. C'est pas méritoire, c'est l'initiation solaire. Je n'ai pas de mérite. Mais je m'en fous de ne pas avoir de mérite. Je ne suis jamais malade, j'ai pas de mérite. Ben, c'est tant mieux. L'humain veut le mérite, mais celui qui n'est pas un être humain ne recherche pas le mérite. J'ai eu une idée géniale! Voyons donc. J'ai une idée, on parle de l'idée, l'idée est acceptée. Parfait, l'idée est amenée dans les airs. J'ai un plus grand nez, je l'ai respiré, puis je l'ai amenée, c'est tout. Puis c'est vrai. L'idée, je ne l'ai pas créée, l'idée. Je n'avais aucune idée jusqu'à temps que j'aille l'idée. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire que c'est moi qui ai eu l'idée? C'est par moi qu'elle passe. C'est tout. Mais ce n'est pas un être humain. C'est au-delà. C'est les deux. Est-ce que c'est un dieu? Non, je le dis encore, c'est le mélange des deux, mais c'est même pas le mélange des deux. On parle de concept, c'est encore plus que ça. C'est plus simple. Est-ce que le Dalai Lama, le fait qu'il ait été, pas couronné, mais qu'il ait reçu le titre de... Je cherche le titre depuis tantôt. Prix Nobel de la paix. Ça démontre une certaine évolution de la planète. Sa belle-mère, est-ce qu'elle te crée beaucoup de problèmes? Non. Elle mériterait un prix Nobel de la paix. Le Dalai Lama a eu le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'il ne dérangeait pas. Bon. C'est sûr qu'il s'occupait de certaines choses. Le Dalai Lama a fui le Tibet. Le Dalai Lama, c'est antérieur au Christ. Le bouddhisme est antérieur au Christ. Donc, c'est normal, historiquement parlant, que le Dalai Lama perde son trône avant le pape. Et il se promène un peu partout. Bon, c'est une préparation. Maintenant, on lui donne le prix Nobel de la paix, donc on ne le considère pas comme... on vient simplement de l'humaniser, de créer... Je vous dis que les prix Nobel, souvent, de la paix, c'est extrêmement politisé, mais je pourrais en parler énormément, mais disons que c'est inutile. Le Dalai Lama lui-même, présentement, ce n'est plus le Dalai Lama. Lorsqu'il va mourir, il ne se réincarnera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, s'il s'est réincarné. S'il ne se réincarne pas, il va faire quoi? Il va éclater. Sur un autre plan? Non, dans le monde de la mort. Et là, tous les individus qui ont été fidèles vont recevoir ce Dalai Lama. Ça va va muter le peuple au complet. Il y aurait plus de Dalaï Lama? Ben non, ce sera plus utile. C'est déjà inutile. C'est inutilisable. À quoi sert un Dalaï Lama présentement? Non, vous ne pouvez pas répondre, vous n'êtes pas... Mais n'empêche, ça n'a pas grand-chose. Ça sert à conserver de l'espoir du passé. Ça sert à conserver des traditions qui, présentement, n'ont plus d'utilité sur la planète. Ils ont été utiles. Ça sert à conserver des choses, mais c'est banni. Les Chinois, comme le peuple soviétique, c'est un peuple beaucoup plus mental. C'est-à-dire qu'il n'est pas mental, mais il amène du mental dans le contexte planétaire. Alors, nécessairement, ils viennent s'immiscer un peu dans les affaires des autres, et ça brise des archétypes. Leur système social, dans l'actuel présent, n'est pas meilleur que les autres systèmes sociaux. Mais ils brisent des archétypes. Et ils ont donc un rôle fondamental en brisant des archétypes. Alors, présentement, le Dalaï Lama l'a fui depuis longtemps. On a pas mal démoli le Potala. Et on a découvert le poteau rose à l'intérieur. C'est la spiritualité, c'est de l'émotivité. Ce n'est pas utilisable aujourd'hui. Il y a encore des pèdes et du monde qui vont aimer ça. Mais ça va progressivement s'en aller les poubelles. Et c'est correct. C'est-à-dire que toute l'énergie de la mécanique bouddhique et de la islamique va permettre aux individus de monter un échelon parce que l'énergie, au lieu de la conserver en concept sous forme de forme, ils vont l'assimiler en forme d'énergie et ils vont voir avec les yeux du Dalaï Lama. Donc, au lieu de voir les fidèles que tu dois continuellement nourrir parce qu'ils en ont besoin, tu vas voir que tu as été un fidèle puis qu'on te nourrissait, puis là, c'est de l'ego de dire « on m'a fourré », alors que le Dalaï Lama pouvait dire « crime, qu'est-ce qu'ils ont pour se réveiller? Je les fourre. » Mais c'était correct. Et quand ils vont voir avec les yeux du Dalaï Lama, ils vont donc rejeter totalement ce genre de religion. Et le Dalaï Lama, nécessairement, ne sera pas utile non plus. La papauté, c'est la même chose. La chrétienté, c'est la même chose. Toutes les religions, à un moment donné, finissent par gérer leur propre Dieu. Alors, ils voient avec les yeux de Dieu. Alors, ils découvrent, ils comprennent. Et ils vont maintenant continuer leur évolution. Mais ce n'est pas une finalité. Mais est-ce que leur évolution va donc être plus rapide que la nôtre? Bon, plus rapide que la nôtre. Plus rapide, les Tibétains, s'ils digèrent leur religion avant que les chrétiens et les catholiques ne digèrent la leur, est-ce qu'eux vont passer à une autre étape plus rapidement? Non. Non, pourquoi? Parce que la religion tibétaine est un peu plus faussée que la religion chrétienne. Notre religion n'est pas meilleure, elle est moins faussée. Mais elle est faussée aussi, remarque. Au niveau tibétain, il y a une roue de la vie, une roue d'éternité, une roue qui tourne et qui répète les choses sans cesse. L'objectif fondamental est de sortir de la roue. Tu sors de la roue et tu es supposé gagner le nirvana. Bon, il y a d'autres termes aussi. Et en sortant de la roue, tu te ramasses dans un état où il n'y a plus de naissance, de mortalité, donc la roue vient d'arrêter. Tu sors aussi des grandes roues cycliques, qu'on parle de l'âge de fer, Kali Yoga, Krita Yoga, etc., l'âge de fer, l'âge d'or, l'âge d'airain, l'âge d'argent. Tu sors de ces roues. Tu sors finalement de l'évolution de Brahma, du souffle de Brahma. Et en sortant de là, tu te ramasses dans un endroit où est-ce que tu... On n'a pas cherché plus loin. Parce que l'humain qui se ramasse là puis qui tue, c'est pour quoi faire. Nous, on est allé inventer la harpe et les nuages là, quand tu es rentré au paradis. Mais eux, leur problématique, c'est que la roue n'est pas une roue, c'est un phénomène extrêmement long et lent qui, à un moment donné, commence à se détacher du point zéro pour devenir exponentiellement ascendant vers un point ultime. La chrétienté t'amène un peu plus cette ascension vers le point ultime, d'où l'idée qu'elle est moins faussée, parce qu'après 4,5 milliards d'années, on va dire qu'au niveau brahmanique, au niveau de ce qui a engendré le phénomène bouddhisme tibétain, après quelques milliers ou millions d'années, mais l'histoire traditionnelle t'enseigne que rien n'a jamais changé. Si tu vas encore faire un tour au Tibet, savoir, ça n'a pas tellement changé depuis le passé, à part depuis que la Chine est là, et encore, on fait encore frire nos choses avec la bouse de yak. Et c'est tellement pareil que tu peux facilement conceptualiser le cycle. Mais c'est tellement pareil, mais ça monte, ça change, mais ça ne paraît pas. L'humain n'est pas assez sensible, l'humain est trop brut pour le voir. Et dans la chrétienté, on finit par décider que le ciel, les portes sont ouvertes, donc la roue est brisée, et que maintenant, il y a une possibilité d'ascension pour se libérer de la trame. Mais dans le contexte bouddhiste tibétain, comme la majorité du phénomène bouddhiste, il y a la roue, il y a l'extérieur, il n'y a pas de changement. Dans le phénomène catholique, tu as la possibilité de t'améliorer, d'être bon. Le Bouddha a amené des lois, la voie du juste milieu, mais la voie du juste milieu, dans un contexte catholique, ça ne fonctionne pas. Je fume 20 cigarettes par jour, c'est le juste milieu. Lui en fume 30, lui en fume trop. Non, c'est facile, le juste milieu. C'est tout ce que tu fais. Et l'individu qui est dans le contexte catholique a, à un moment donné, quand même une chance de sauver son âme, d'être aidé, de sortir, etc., etc. On va faire du bouddhisme une religion parce qu'à un moment donné, on va décider que Bouddha devient un dieu, mais c'est autre chose. Dans la réalité, dans une réalité du moins, dans un concept plus réaliste, tu ne vas pas t'asseoir à la droite du Père, ce n'est pas une finalité, mais nécessairement tu seras à la droite et à la gauche, et en haut et en dessous et à côté, c'est que tu deviendras le Père. Tu deviendras le concept. Quand tu seras le concept, tu verras avec les yeux du concept. Quand tu verras avec les yeux du concept, tu prendras un autre concept. Et le concept est extraordinairement utile parce qu'il est utilisable. Et de concept en concept, ça va monter. Eux, ils vont digérer leur religion pour adopter une vision qui est beaucoup plus chrétienne. D'autres religions qui sont similaires, mais là on parle du christianisme pour l'instant, ou catholique, qui est beaucoup plus chrétienne dans leur vision. C'est pourquoi d'ailleurs la majorité des sociétés ésotériques secrètes se sont affiliées beaucoup plus à la vision chrétienne de l'évolution. Même si on a une vision égyptienne dans certains cas, elle est christianisée. On parle d'un ésotérisme chrétien, plus qu'un ésotérisme bouddhique, qui a été abandonné depuis longtemps. Quand tu veux connaître la réincarnation de qui tu étais, il y a des techniques d'hyperventilation, puis il y en a d'autres. Oui, le rebirth, hein, renaître, la palagénésie. Qu'est-ce que ça te donne? Rien. De savoir ça? Bien, tantôt tu disais, si on sait, si on connaît une source de réincarnation, puis qu'on est capable de ne pas s'en égoïser. OK, c'est ce que j'ai entendu. Parce que j'ai dit. Alors, je donne un exemple. Il faut prendre les exemples dans leur contexte. À quoi ça sert de savoir de qui vous êtes la réincarnation? Vous êtes la réincarnation de vous-même. Bon. Maintenant, de savoir... Bon. Est-ce que ça va vous être extrêmement utile si vous parvenez à savoir les atomes qui constituent votre corps, à quelle substance ils appartenaient avant? Cette cellule-là, elle est bâtie d'atomes qui appartenaient à un poireau. Bon, mais est-ce que ça va m'aider, là? Mon ongle est constitué de jello. Hein? Il y a des particules là-dedans, là, du calcium, des choses utiles que j'ai mangées dans du jello. Bon. L'âme est constituée de tellement de parties réincarnationnelles comme le corps physique. Et est-ce que ça va vous servir de grand-chose de vous dire, eh bien, une grande partie de mon corps physique provient de McDonald's? Bon. Pas tellement. Mais il peut y avoir des parties qui sont dominantes et puis qui te font prendre conscience que ça peut être un personnage en particulier. À partir de ce moment-là, ça peut être d'une utilité ou pas. Si c'est suffisamment gros. Bon, le personnage n'est pas tellement utilisable. La façon dont il vivait, oui. Ce qu'il était psychologiquement au niveau de l'âme. Savoir le nom du bœuf que je mange, non. Mais savoir qu'il avait une maladie qui peut m'être donnée, oui. Mais pas savoir le nom du bœuf. Pas le nom, en ce moment-là, mais savoir... Mais la forme aussi, ça. Mais l'humain s'attache à la forme. « Hey, je suis Jules, j'ai des réincarnations de Jules César. J'ai des réincarnations de Napoléon. » Tabarnouche. Ça fait chaud au cœur. Puis l'individu arrête là. C'est ça que c'est le gros danger, okay. De mécanique de réincarnation. Il faudrait pas qu'il arrête là, il faudrait qu'il fasse d'autres choses avec. Il fait quoi avec? Avec la main? Oui. Il les met dans ses poches ou il les met dans son veston? Oui. Il avait une déformation. Mais ça lui donne quoi quoi de savoir qu'il était une réincarnation de Napoléon? Pas Napoléon. Ça lui donne quoi de connaître la réincarnation? Bon, ça va lui faire dire, premièrement, qu'à l'intérieur de ses substances conceptuelles, au niveau de son ego, il a de l'aristocratie. Sachant qu'il a de l'aristocratie, il devra savoir à un moment donné que s'il réveille ça, il va monter dans son niveau social. Montant dans son niveau social, il va se libérer de la matière. Les aristocrates servaient à cela. On parle de mémoire. S'il sait qu'il a la mémoire d'un tueur, il devra savoir qu'à un moment donné, il peut avoir peur de se faire tuer, il peut avoir des visions, des idées. Et s'il dit toujours, ah ben, tu sais, ça c'est machin chouette qui vient parler, mais qui mange du chocolat, il pourra contrôler ce genre d'idées. S'il connaît la valeur émotive, s'il constitue, mais pour qu'il puisse se servir, quelqu'un qui fait du rebirth, à part respirer et faire le chien, c'est pas grand-chose. L'individu qui n'est pas encore capable de discerner son mental, de son ego, de sa psychologie, l'individu qui dit « Pourquoi j'ai encore des idées de même? » Ça ne sert à rien. L'individu qui dit « Bon, ça y est, ça pense encore comme ça. » Lui, il peut s'en servir, parce qu'il sait que c'est pas lui qui pense de même. Il sait qu'on pense dans sa tête. Alors là, il va dire « Bon, ben là, le cave, tu veux encore faire ceci, faire cela, on boit de l'eau. » Tu peux lui parler. Lui parlant, tu ne parles pas à machin qui se réincarne. Mais l'individu parle à sa psychologie. Il n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute qui va lui dire. Il n'a pas besoin d'aller voir un hypnologue qui va lui dire. Il n'a pas besoin d'aller voir un spécialiste qui va lui dire « Fais-en pas, il se le dit. Fais-en pas. » Et ça fonctionne. Mais ça sert à ça. Il faut que ça va servir si l'individu est capable d'être son seul maître. S'il a un mental suffisamment dissocié de son ego, de sa psychologie, pour pouvoir se parler et se croire. Simple. Puis il y a des côtés qui étaient positifs ou utiles, tu peux t'en servir. Absolument, tu t'en sers, tu les laisses aller là, tu digères leur énergie pour t'en servir par la suite. Tu auras une expérience en 20 ans, tu donneras l'impression d'avoir 60 ans d'expérience. Parce que tu te sers de l'expérience. Merci. Je vous rappelle que l'enregistrement audio de cette conférence est actuellement disponible.